rien passé hier. Si, selon vos membres, selon vous... Je ne dis pas que c'est rien passé. Vos membres n'ont rien fait. Ça, c'est ce que je dis. Ça, c'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas vu aucun de mes membres faire quelque chose. Et vous n'êtes jamais allé voir la police pour arrêter ça? Non, c'est pas mon rôle d'aller voir la police. La prochaine réunion d'École Bleue à Montréal, c'est quand? La prochaine réunion d'École Bleue? Oui, vous faites des assemblées des fois? J'en fais 4 par année statutaire. Il y en a une au mois de septembre. Il y en a une au mois de septembre? OK. Exact. Je rentre 200, écoutez-moi bien, là, je rentre 250, tous des gros bras, dans votre assemblée de col bleu à Montréal. Je rentre sans être invité, OK? En pleine assemblée démocratique, je renverse ton bureau. Moi, vous tutoyez, vous me tutoyez, on va tutoyer, là. Je renverse ton bureau. Aucun problème. Je renverse ta chaise, je renverse tes papiers, je te lance un verre d'eau, je te cours après, puis je t'intimide. Appelez-vous la police? Oui. Pourquoi? Mais premièrement, pourquoi quand c'est vous, vous appelez la police? Pourquoi quand c'est votre assemblée, j'ai pas le droit de faire ça? Puis en passant, je le ferai jamais. Mais pourquoi moi, j'ai pas le droit? Puis il y a des gens dans votre gang qui ont le droit. J'appelle la police parce que c'est moi qui suis menacé.